J'ai ployé l'évidence sous de trop lourds fardeaux, en parlant mes souffrances d'un sommeil sans repos. Je n'eus jamais l'audace d'implorer qu'elle ne vienne percer cette cuirasse. Did it.